On va parler avec le golfeur Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre Bédard qui a passé l'hiver en Floride et là, ben, avec toute l'histoire de la COVID, ben, il se trouve qu'il joue pas au golf cette année. Il sait pas du tout quand est-ce qu'il va jouer. Puis évidemment, c'est des pertes importantes pour lui. On lui parle. Salut Pierre-Alexandre. Salut, Danny. Pierre, oui, Pierre, c'est quand même quelque chose de. Tu devrais être en plein saison de golf depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, puis là tu joues pas. Il y a pas de. Le golf a été a quand même eu son hockey depuis 15 jours. Sauf que là, c'est les tournois, c'est tout là. Ça doit pas être facile. Exactement, ça nous fait vraiment, vraiment mal, les golfeurs. En principe, là, j'aurais été. Je suis revenu au Québec, je suis en préparation du. Mon premier tournoi sur le PGA Tour à Toronto en juin. Malheureusement, ça a été cancellé. Donc là, je suis en attente de voir les circuits, comment ça se passe, mais pour l'instant, là, ça fait très mal. On est sur pause pas mal. OK. Puis là, ben, est-ce que tu as eu des nouvelles? Est-ce qu'il y a eu. Évidemment, ça dépend toujours de. Ça dépend toujours de qu'est-ce qui va arriver. Ça dépend tout. Si c'est canadien, donc les provinces, c'est d'une loi à l'autre, c'est une santé publique à l'autre. T'as-tu des nouvelles un peu du circuit? En fond, j'étais inscrit pour la qualification du Mackenzie Tour en Orlando, en Floride. Ouais. Malheureusement, a été reporté, mais le circuit ont annoncé cette semaine qu'il n'y aurait pas de circuit durant la saison 2020. Donc, tous les golfeurs vont être remboursés suite aux inscriptions de qualification. On va devoir attendre à l'année prochaine si on veut pour se requalifier sur ce circuit-là. Il y a d'autres circuits aussi un petit peu à gauche et à droite qui sont toujours en. Ils n'ont pas annulé les tournois, ils sont plus remis, peut-être à l'automne. On espère qu'il va y avoir des nouvelles qui vont sortir avec le gouvernement, qu'on puisse être capable de faire des tournois puis ramener un petit peu d'argent à la maison. Mais pour l'instant, c'est vraiment stand-by, en fait. OK. Est-ce que. Mais là, tu vis quoi, là? T'as-tu quelque chose? Tu travailles-tu? T'as-tu un petit emploi? Ben, pour l'instant, un peu comme plusieurs gens québécois, là, j'ai eu la chance d'avoir la PCU un peu, si on Ouais. veut. Donc, j'ai pu me servir de ça pour payer mes petites dépenses personnelles. Sinon, j'ai la chance d'avoir quand même un bon commanditaire-major aussi depuis un an qui m'aide grandement. Donc ça m'aide, c'est ça, pour continuer de jouer puis continuer de pouvoir pratiquer mon sport si on veut, là, dans l'optique d'aller le plus loin possible. Là, tu t'entraînes, j'imagine. Exactement. En fait, j'ai passé l'hiver 2 mois en Floride, puis suite à Ouais. tout ça, je suis revenu au Québec. Ma voiture, mon linge de golf est encore plusieurs trucs sont encore en Floride. Je peux pas y retourner malheureusement présentement. Mais je m'entraîne le plus possible. D'un coup qu'il y a une nouvelle qui sort puis qu'on peut jouer des tournois bientôt. C'est ça, j'essaie de jouer tous les jours depuis que les terrains de golf sont ouverts au Québec. Est-ce que tu as eu, je veux dire, est-ce que tu as eu quand même la motivation, du côté motivation, est-ce qu'on est capable de se motiver pareil, même si on ne sait pas comment que ça va? Ben, c'est sûr qu'au début, ça a été un petit peu plus dur avec justement la perte là, du tournoi du PGA Tour. Ouais. J'étais prêt, ça a été la plus belle expérience de ma vie, c'est sûr. Mais j'ai su encore une fois après 2 semaines là, que mon exemption va quand même avoir lieu l'année prochaine en juin. Donc je suis assuré d'avoir mon exemption. Donc, à partir de ce moment-là, là, mon mindset est toujours vraiment, vraiment bon à m'entraîner et à devenir le meilleur possible. Fait que je suis encore entouré de. Je travaille avec des personnes pour m'améliorer, puis je passe beaucoup, beaucoup de temps en fait là, au golf OK. présentement. Présent, tu as parlé d'un commanditaire majeur, je l'ai pas su cette nouvelle-là. C'est-tu un commanditaire majeur important? Ça vient de Chibougamau, c'est quoi? C'est un très bon commanditaire. C'est une mine du nom de Troilus, OK. dans le nord de Chibougamau, là, qui m'aide beaucoup. C'est des propriétaires qui sont golfeurs, qui sont basés à Toronto. Donc, depuis à peu près un an maintenant, là, je suis affiché Troilus Ah, c'est bon pour ça. mon golf. C'est bon. Donc, c'est vraiment une situation qui est pas facile. Puis la plupart des golfeurs, un gars comme Kevin Fortin-Simard est un peu dans le même bateau que toi, là. C'est plusieurs aussi, là. Exactement. On est une centaine de golfeurs québécois là, à participer à des tournois vraiment régulièrement, que ça l'affecte. D'autres golfeurs canadiens, bien entendu, mais ça touche beaucoup de personnes. Mais Vraiment, là. c'est ça peut être une bonne nouvelle, en fait, Mais ce qui là, est avec arrivé. l'ouverture des terrains de golf, ça a dû changer pas mal, tu sais, des nouvelles lois sanitaires. S'ils sont capables de faire des d'ouvrir les terrains. Je verrais pas pourquoi ça va être capable de faire des compétitions. Exact. Le seul problème en ce moment, c'est qu'il y a quelques règles qui ont changé, donc on ne peut plus vraiment toucher au drapeau. OK. Les drapeaux doivent rester en place. Il n'y a pas de râteau non plus pour rentrer les trappes de sable. Donc, tant que les règles, puis qu'on ne pourra pas nettoyer les trappes de sable et toucher au drapeau, je pense qu'il ne pourra pas avoir de tournoi parce que ça serait comme des règles modifiées, si on veut, pour des tournois. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est un peu plus compliqué dans les clubs de golf aussi, là, il y a beaucoup de règles à suivre, ce qui est correct parce qu'on s'en plaint pas puisqu'on peut jouer au golf présentement. Mais niveau pratique, niveau nombre d'heures qu'on peut mettre à l'entraînement, c'est rendu un petit peu plus réservé là, pour les gens qui vont jouer, pour réserver les espaces de pratique pour eux. Donc c'est ça aussi que ça c'est un petit peu inconvénient, mais pour l'instant, là, je réussis à trouver là, mon compte puis de pratiquer puis de passer beaucoup de temps quand même au golf. Le 30 minutes, parce que maintenant, il faut utiliser 30 minutes d'avance, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ça diminue, quoi qu'on dise que les clubs vont bien, là? C'est une des. Parce que. Ouais. Exact. Il y a beaucoup moins de circulation, c'est sûr, au niveau clubhouse, restauration, les gens, ils Ouais. peuvent plus aller vraiment à l'intérieur. Donc, c'est plus vraiment pratique de golf qui se passe présentement. Mais, c'est ça, OK. c'est ça. Ben Pierre-Alexandre, on va te souhaiter la meilleure des chances. Je sais que c'est pas facile. C'est un événement, c'est une période pas facile pour tout le monde. Puis au plaisir, je vais parler dès cet été, dès qu'il va y avoir quelque chose. Il n'y a pas de problème, merci Danny. Le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard.